قال انا شاب والحمد لله محافظ على الصلاه باستمرار ولكن هناك زملاء واقارب وجيران لا يصلون في المسجد ابدا مع جماعه المسلمين وانا اجالسهم وازورهم وزاورهم مع انني اكره فعلهم ذلك ولكني احببت نصيحتهم لي في هذا الشأن عفوا ولكني احببت نصيحتكم نعم نصيحتكم لي في هذا الشأن وحكم زيارتهم مع انني نصحتهم مرارا ولم ينتصحوا بذلك وكيدي جو سيت ان جون كي الحمد لله في لا صلات ان كونتينيو طول temps cependant j'ai des camarades et des proches et des voisins qui ne vont pas à la salat en groupe au masjid, jamais. Et moi, je les fréquente et je leur rends visite, bien que je déteste ce qu'ils font. Donc, j'aurais aimé de votre part un conseil par rapport à cela. Quel est ce jugement du fait que je leur rende visite, à savoir que je les ai conseillés à maintes reprises, mais que le conseil n'a pas fait effet. Donc, elle dit « Amma kounuka muhafizan ala salat, falhamdulillah ala zalika. » ونسأله سبحانه أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يجعلنا وإياك من المحافظين على صلواتهم. Donc il a dit le fait que ce soit quelqu'un qui fasse sa salat en continu, alors que la louange est à Allah par rapport à cela. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous raffermisse ainsi que toi sur la religion, qu'il fasse de nous ainsi que de toi ceux qui perdurent sur la salat. أما ما ذكرت من أن لك أقارب لا يحافظون على الصلوات وانك تجالسهم وتخالطهم فهذا الامر يحتاج الى تفصيل نص que tu as cité le fait que tu as des proches qui ne font pas la salat comme il se doit et que toi tu les fréquentes tu mélanges à eux alors cela a besoin de détails la réponse a besoin de détails قال اولا اذا كانت مخالطتك لهم مع البذل للنصيحه وانكار للمنكر ورجاء ان يتوبوا أن تؤثر عليهم فإن الواجب عليك أن تخالطهم وأن تزورهم وأن تنصحهم وأن تدعوهم إلى الله حتى ولو لم يكونوا أقارب فالأمر آكد لكن لدي من نوع c'est le fait que tu te mélanges à eux en donnant le conseil en blâmant ce qu'ils font comme chose mauvaise par espoir qu'ils reviennent qu'ils se repentissent et que cela influe sur eux et la prophète qui sera avec eux ça influe sur eux et ça les améliore alors il est obligatoire justement de te mélanger à eux et de leur rendre visite pour les conseiller et que tu les appelles à Allah Azza wa Jal même s'il s'agit de gens qui ne sont pas tes proches c'est pas une chose qui est proche forcément aux propres qui est forcément aux proches parents toute personne parmi les musulmans si ta compagnie avec eux influe sur eux et l'approche vers le bien alors fréquente-les قال أما إذا كان نصحك لا يجدي فيهم ولا يتثارون ففارقهم خصوصا اذا كانت مفارقتك لهم اعتذارك لهم فيه مصلحه بان يدركوا خطاهم فتاثروا من حجرك لهم فانه يجب عليك ان تجهرهم ولا تزورهم فدي من نو سي امي تو كونسيل n'apporte pas de fruit sur eux et que cela n'influe pas sur eux alors c'est par toi deux particulièrement du fait que le fait que tu les délaisses et que tu les boycottes et que tu t'isoles d'eux et que cela leur apporte un bien justement car cela les touche et leur permet de pouvoir délaisser leurs erreurs alors il était obligatoire justement de les boycotter et de ne pas leur rendre visite قال وإن كانت مفارقتك لهم تزيدهم شرا وفي مخالطتك لهم تخفيف من شرهم فخالطهم وناصحهم وعلى كل حال لا تيأس من مناصحتهم وبذل الدعوة لهم لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم donc il dit maintenant si le fait que tu te sépares d'eux fait que leur cas empire et que en te mélangeant à eux cela minimise de leur mal alors reste avec eux et prodigue leur conseil et dans tous les cas tu dois les conseiller de toute façon que tu restes avec eux ou pas tu dois les conseiller et les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens qui font du mal, les délaissés, on parle de muslimines, hein, les délaissés, Et là, c'est pas n'importe quel mal non plus. D'accord ? C'est pas n'importe quel mal non plus. Il y a des mots, des fois, les gens ne font pas la salat avec eux. Et là, il parle de gens qui, eux, ne font pas la salat en groupe, en jama'a. Ah bah maintenant, le fasiq, qui fait du mal, qui fait des grosses perversions ouvertement, al-kalam, ou al-mouqif, ou akhar. C'est une autre position à avoir avec eux. Tu ne vas pas te mélanger avec des gens qui font du mal, après tu vas être affilié à eux. On va devoir avec eux. Ou peut-être même qu'ils aient un feu sur toi, eux. D'accord ? Le mal qu'ils fassent, toi, tu commences à le voir minime, et au final, tu finis par le faire toi également avec eux. Wallahi azabillah. À ce moment-là, tu es obligatoire de les délaisser. Non.